tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervan avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coûts humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Musiques africaines, une histoire parisienne, une série d'Élodie Maillot réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a le festival Africa 2020, pris dans les mailles du confinement et l'envie de savoir ce qui fait un tube africain à Paris. Alors pour commencer, les personnages. Un ouvrier devenu disquaire, un tailleur devenu musicien, un chanteur de cabaret, une historienne de la musique et un producteur de succès. Ensuite, le décor. Barbès, l'Algérie, l'Olympia, le quartier latin, une guerre, des chansons interdites, des cassettes, la marche pour l'égalité et des mariages. Aujourd'hui, premier épisode, on écoute une vieille histoire. L'immigration algérienne, il y avait à l'époque en France, tout le monde, il habite l'hôtel. Il a une chambre, un radio cassette et un manche-disque. C'est tout. Ils sont libres pour dormir. Donc, sans la musique, comment voulez-vous? Il va vivre toute la nuit, toute la journée, comme ça, en regardant le plafond. Donc, ils sont des consommateurs de musique, jour et nuit. C'est pour ça que la musique a une importance à l'époque dans la vie de l'immigration. Aujourd'hui, on s'en fout. Il y a 10 000 chaînes de télévision. Je ne parle pas de combien de radios. Je ne parle pas de Walkman. Je ne parle pas d'iPhone. Vous avez un iPhone, vous allez être abonné à 1 milliard de chansons dans le monde en payant 10 euros par mois. Ça n'a absolument rien à voir, le monde a changé, donc ce n'est plus l'époque. Oui, la série documentaire France Culture. La série documentaire. La série documentaire. France Culture. France Culture. Barbès Café, Prince du Rail et autres sons du bled. Yaraya, celui qui est parti. Yaraya, on a tous entendu un jour ce tube dans un hypermarché, en voiture ou en vacances. Yaraya, celui qui est parti en arabe, une chanson qui raconte l'immigration et dont l'histoire et le sens disparaît parfois sous l'efficacité du tube. Alors on danse. Alors on danse sur cette chanson de Damen El Arachi reprise par Rachida et bannie pendant la guerre du Golfe. Alors on danse, comme on a tous peut-être un jour dansé à un mariage sur Aïcha de Khaled, dans une kermesse d'école sur Magic System, ou sur Sapé comme jamais de Maître Gims à un bal des pompiers. C'est ça, cette version un peu de Yaraya ? Oui ! Et c'est peut-être parce que j'ai passé plusieurs années loin de France, loin de Barbès et de Belleville, que tous ces souvenirs reviennent à ma mémoire quand je me retrouve dans les couloirs du métro Châtelet-Léal et que j'entends ce morceau. C'est gentil. C'est une belle journée. Bon courage. Yaraya, celui qui est parti. Il revient à ma mémoire. Des souvenirs farinés. À chacun ses souvenirs qui résonnent dans ces petits morceaux de Paname, ces mélodies de couloirs, précipitées d'histoire, de géographie, de galères, et contes de fées pas toujours exposés sous les lumières de la ville, qui vont devenir des tubes populaires, des rythmes qui accompagnent ces silhouettes souvent invisibles, qui rendent pourtant ces airs imparables. Le bruit et l'odeur d'un hit qui nous a tous un jour ou l'autre enivrés, sans qu'on sache vraiment d'où viennent ces petites musiques du bled enregistrées et gravées dans Paname. Travail, famille au loin, patrie perdue, chômage, solitude et le cœur entre deux rives. Bien avant Didi, Aïcha ou 1-2-3 Soleil à Bercy, quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, des cafés-concerts kabyles ouvrent déjà à Paris. Et cette chanson de Rachid Ksentini, on l'entend déjà aussi à Barbès. Elle raconte le chômage dans ce petit bout de France, loin de la métropole, l'Algérie. Une autre distraction nord-africaine, nous l'avons trouvée dans ce quartier Barbès. 10 ans plus tôt, notre douar Barbès, eh bien il y a là une salle de cinéma unique en son genre, et je crois en France, dont la clientèle est exclusivement nord-africaine. En découvrant ce morceau à Barbès, j'ai eu envie d'aller visiter ces monuments un peu oubliés de notre histoire de France, ces musiques d'origine maghrébine qui ont un jour flirté avec notre Paris. Première station, Barbès, boulevard de la Chapelle, ou plutôt boulevard des musiques orientales, là où l'industrie discographique commence à s'implanter dans l'entre-deux-guerres, avec l'ouverture de la première boutique de disques maghrébins de Paris, une mecque du vinyle tenue par la patronne, Madame Savia. C'est aussi à Barbès que Mohand Hanemich arrive quand il débarque d'Algérie, mais il ouvrira son premier magasin de disques juste à côté de celui de Madame Savia des dizaines d'années plus tard. Entre-temps, comme beaucoup d'immigrés kabyles, il travaille à l'usine en France. À Barbès, partout il y a des boutiques de musique, partout. Là vous êtes un cœur de Barbès. On est boulevard de la Chapelle. Presque on arrive au 120 boulevard de la Chapelle, là où j'ai le magasin. On est boulevard de la musique orientale. Voilà. Ça, c'était un grand magasin de musique aussi. C'est devenu une boutique de valises. Ouais. Barbès, à l'époque, il y avait plus de 200 boutiques qui vendent la musique. Partout, il y a des boutiques de musique. Partout. La Roque à Plan, il fait, je crois, 50 mètres. Il y avait 5 boutiques de musique dedans. Moi, je suis arrivé à Barbès par hasard. Je suis mécanicien, donc j'ai dépanné des machines d'emballage conditionnement de médicaments. Et puis un jour, j'en ai marre, j'ai dit tiens, je vais travailler à mon compte. J'ai acheté un restaurant qui marchait très très bien, à Stalingrad, dans le 19e, rue de Flandre. Et puis un jour, un ami que je connais depuis très longtemps, Kamal Hamadi, il m'a dit il y a une maison de disques qui va se vendre à Barbès, qui s'appelle La Voix du Globe. Moi, j'aime bien changer. Donc j'ai dit d'accord, on a acheté cette maison de disques. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la musique. Et depuis, je suis encore. Là, on va rentrer dans le vrai quartier de Barbès. Ça, c'est la Goutte d'Or. Un peu plus bas, il y avait une boutique de musique qui s'appelle Cléopâtre. C'était vraiment une boutique qui a beaucoup de succès. Ça, c'est devenu des magasins de tissus. Voilà. À Barbès, il existe deux personnes qui vendaient la musique française, moi et soviète. Nous, on vend tout, africain, français, anglais, tout. Riyad. Voilà, on connaît des amis. Comment tu vas? Ça va. C'est le monsieur, c'est mon voisin. Des années 80. Ça, ça fait un bail. Allez, alors, ici, si on regarde juste la devanture, on voit surtout Lili Boniche. Il y a tout. Il y a Cheb Khaled, il y a Cheb Mamé, il y a Lili Boniche, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Taboulé Rochereau du Zaïre, du Congo, il y a Koffi Olomidé. Tout ce que vous voulez ici, vous le trouverez. Et les CD coûtent 5 euros. Eh oui. Mais on vend aussi des tours Eiffel et de l'eau de toilette. Exactement, ici. C'est non sans ça, il ne s'en sortira pas. C'est la première boutique de musique nord-africaine et africaine en France. Et c'est la dernière. On avance ? Parce qu'ici, ils n'aiment pas beaucoup parler. Les micros, ça ne marche pas trop. Hein? Les micros, ça ne plaît pas trop ici. Voilà, exactement. On va y aller un peu plus loin, si vous voulez. On va boire un petit thé là-bas si ça vous arrange, là, comme ça, c'est mieux, on sera tranquille. C'est pour ça que je vous ai dit. Voilà, ça c'est la. Voilà. C'est moi le sergent Aziz, tout le monde me connaissait. J'ai des médailles de bête et la guerre j'étais blessé. J'en ai 15 ans de service, je suis moi un homme traité. Pour les merdailles, j'en ai 6 et j'habite les grands cités. Alors, Mme Sovia n'est pas maghrébine, Mme Sovia est auvergnate. C'est une Française. Comme beaucoup d'Auvergnats, elle migre à Paris. Peut-être nécessité faisant loi, Mme Sovia a trouvé qu'elle vendait plus de disques maghrébins que d'autres disques. Donc, cette spécialisation vient aussi avec la spécialisation du quartier. Naïma Yaï. C'est un quartier qui, peu à peu, devient maghrébin. Voilà, le Louxor qui diffuse des films égyptiens. Il y a d'autres quartiers qui sont algériens, Maubert Mutualité. Donc on a comme ça une population maghrébine qui est disséminée dans Paris, mais qu'on va retrouver de manière de plus en plus importante autour de la Goutte d'Or et de Barbès. on pouvait à la fois acquérir des disques de chanteurs maghrébins et aussi du monde arabe. Et la diffusion de ces disques, Kérophone, Baïdaphone, Ducreté Thompson, Columbia, Pathé Marconi, toutes ces marques, Barclay, Philips, par la suite, plus tard, ont eu leur catalogue arabe. Mohamed Abdelwahab, Abdelhen Mahafez, Oum Kulthoum et bien d'autres, mais aussi les chanteurs de l'immigration, fort nombreux, qui commencent à enregistrer beaucoup. Alors que se mettent en place dans ces années 40 et 50 les fameuses émissions de l'ORTF, les émissions en langue arabe et kabyle ou arabe et berbère, les ELAC et les ELAB, qui sont enregistrées et diffusées soit à Paris, soit à Alger, pour les Maghrébins. Et c'est là que l'on entend les voix, les chansons de ces artistes qui font les grandes heures des nuits parisiennes orientales dans le 5e arrondissement. La radio et l'industrie discographique explosent et Paris devient la métropole des studios. On vient de tout le Maghreb pour y enregistrer ou acheter des disques. Avant de s'installer à Paris et de faire des disques lui aussi, comme Ahmed Achlaf, le compositeur et musicien Kamel Amadi fait de la radio. Il écrit et compose depuis l'âge de 14 ans en Algérie, mais c'est à Paris qu'il va travailler avec les plus grands noms de la musique algérienne, Nora, Aït Mengelet, Slimane Azem, Cheb Khaled ou Cheb Mami. Quand il s'installe à Alger, avant de partir pour Paris, comme la plupart des musiciens qui quittent la Kabylie, il est d'abord ouvrier. Au début, j'étais tailleur. Ma profession, c'est... Mes parents m'ont orienté pour être tailleur. Après, j'ai découvert la musique et le théâtre, parce que j'aimais beaucoup le théâtre. Et j'écrivais beaucoup. À l'époque, c'était radiophonique, on faisait beaucoup de radio. Après, j'avais plus le temps de coudre. Alors, j'ai abandonné le métier de tailleur pour continuer à faire de la musique et du théâtre. Chaque semaine, depuis la fin de la guerre, des Algériens, paysans de Kabylie, nomades du Sud, chômeurs des villes, quittent leur pays pour aller gagner, non, pour tenter de gagner leur vie sur une terre plus favorisée ou qu'ils croient plus favorisée. Les raisons de leur départ, ce qu'ils deviennent chez nous, les multiples problèmes que pose la présence de ces Français d'outre-mer sur le sol métropolitain, c'est tout cela que très simplement, très directement, le plus objectivement et le plus humainement possible, nous voudrions étudier. À l'époque, le quartier latin, le Saint-Michel, c'est le quartier de mes rêves, parce que j'aimais le théâtre, j'aimais la musique, j'aimais tout ce qui est beau. Moi, j'aimais beaucoup Boris Vian, Jean-Paul Sartre et tous ces grands écrivains. Et on m'a dit qu'ils se rencontrent au Flore, Café Flore. Alors mon rêve, c'était de voir Boris Vian. Et j'ai eu la chance de voir Boris Vian et de prendre une photo avec lui. Et Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, et enfin tous ces grands artistes que j'admirais à l'époque. Tout le monde allait là-bas. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est devenu grec, c'est devenu la bouffe. Avant, c'était de la musique. Mais la France et l'Algérie, c'était la même chose. Les succès qui sortaient à Paris et se vendaient en Algérie, c'est la même chose. J'écoutais de tout. J'aimais beaucoup ce qu'écrivait Boris Vian. J'aimais beaucoup Mouloudji. J'écoutais Dalida. J'écoutais tout ce qui était nouveau. J'ai découvert Brel. Enfin, tout le monde venait à Paris. Il n'y a pas Paris, c'est Paris. Chaque être au monde rêve de rencontrer la plus belle ville du monde. La plus belle ville du monde, c'était Paris. Il y avait beaucoup de cabarets, alors ils ramenaient que des grands artistes à l'époque. Et tous les soirs, c'était bien animé et il y avait de la belle musique. Et on a appris beaucoup de choses de ces endroits-là. Al Jazeer, il a ramené toutes les grandes artistes du Maghreb. Et comme client, il a eu Maurice Chevalier, il a eu Farid Latrache, il a eu Oum Kulthoum, il a eu Abdelwahab, il a eu toutes ces personnalités. Au cabaret de Jazeer, c'était luxueux, c'était un grand orchestre. Chaque mois, il changeait de star, de grandes danseuses. Toutes les danseuses qu'on voyait dans des films à l'époque sont passées par le cabaret de Jazeer. J'ai rencontré Farid Latrache, j'ai rencontré Slimane Azem, j'ai rencontré Cheikh Hasnaoui, j'ai rencontré Boris Vian, j'ai rencontré tous les artistes que je voulais rencontrer. Voilà. Quand les gens vont là-bas, il y avait de la belle musique, il y avait des bons artistes, des belles danseuses, et c'était beau. Ce Nord-Africain immigré, s'il partage souvent les conditions extérieures de vie de son voisin métropolitain, il a aussi ses distractions disons, ces distractions nationales que nous ignorons. La plus classique, c'est la longue station dans le Café Mort. Voulez-vous que je vous y amène ? Nous sommes actuellement dans un café oriental sur la rive gauche, pas très loin de la place Saint-Michel. Ce café, comme son nom l'indique, recrée très bien l'atmosphère de l'Algézaïre, l'Alger. Outre les tableaux qu'il y a au mur, nous avons même un petit jet d'eau qui recrée l'atmosphère des maisons mauresques. Je vais m'adresser tout de suite au patron pour lui demander, patron, vous connaissez un petit peu votre milieu, vous avez des clients de toutes sortes. Effectivement, tous les soirs, beaucoup d'étudiants musulmans de tous les pays du monde arabe viennent le soir écouter un peu de musique et se retremper dans l'ambiance. Mais d'autres, pas simplement des étudiants, des commerçants, des travailleurs, qu'ils sont presque tous actuellement, tout près de l'orchestre. Tout près de l'orchestre. Et on m'appelle l'oriental, je suis un sentimental. Et on m'appelle Lili Boniche, dit le rossignol à Paris et à Alger. Je crois au regard fatal, les tarfani, kabat, chal. Et cependant, je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'Oriental. Voilà. C'est une chanson franco-arabe, ce genre-là, vous voyez, que j'avais fait. Et ça avait fait un succès terrible. Alors, à l'époque, après la guerre, j'étais engagé dans un cabaret qui s'appelait Le Soleil d'Algérie, au Faubourg Montmartre. Et à l'époque, j'avais tous les sommités qui venaient, les professeurs Laïnec, des députés, même des ministres et députés à l'époque. Il y avait monsieur le président François Mitterrand qui était à l'époque client qui venait avec beaucoup d'amis. Il était avocat et député à l'époque. Et donc, il venait très souvent avec des amis. Il venait peut-être 2-3 fois dans le mois, vous voyez ce que je veux dire. Il s'amusait, tout le monde s'amusait, parce que ces chansons franco-arabes leur plaisaient terriblement. Quand je t'ai vu pour la première fois... François Mitterrand, il habitait, comment on appelle, la rue à côté, comme moi j'habitais au Dauphine. Le café que fréquentaient les artistes, c'était à ou Lutès, ou au Cabaret Jazeer, ou le Bardède. Comment on appelle ça, Maison Blanche. Brigitte Bardot est allée plusieurs fois là-bas. Et tout est grand. Jean Marais, plusieurs fois. Il n'y a pas un artiste que j'admirais et que je n'ai pas rencontré. Dans les cabarets, on retrouvait donc des musiciens arabes, kabyles, juifs. Il n'y avait pas... La majorité, c'était des juifs. Mais pour nous, c'était des grands musiciens. Vous prenez Louise Etounsia, son mari Zaki Khalif, c'était un des plus grands luthistes, des grands compositeurs. Et Louise Etounsia, à l'époque, c'était la star. Lili Boniche, Lili Abbassi, même celui qui était le grand professeur de la musique andalouse, c'est Edmond Yafil. Il y avait Youssef Hadjadj, il y avait que des grands musiciens. Mais à 80%, c'était des juifs. Mais personne ne pensait à leur religion. Ou s'ils sont juifs ou musulmans ou catholiques, s'en fichent. Ils étaient bons ou mauvais. Ne demandez pas à ces gens-là leur religion. Ils chantaient bien. Et ce n'est qu'après l'indépendance que des partis politiques ont existé. Des partis politiques qui cherchaient à savoir si les musulmans, si les chrétiens, si les juifs... Avant, il est bon ou il est pas bon. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison. Ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil. J'ai quitté ma mer bleue. leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. Mais du bord du bateau. L'ensemble de la situation des Nord-Africains à Paris a fait donc l'objet ce soir d'une conférence de presse du préfet de police, M. Maurice Papon. Les conditions d'établissement des musulmans dans la capitale, leur vie en groupe dans certains arrondissements comme le 15e, le racket organisé par les organisations nationalistes MNA et FLN, la peur. En 54, une guerre qui ne dit pas son nom éclate des deux côtés de la Méditerranée et l'écume de cette tempête entre deux rives éclabousse la capitale française. Le FLN, le Front de Libération Nationale, s'y est implanté dans les cafés et dans la vie nocturne. Il rackette les patrons de bistrot et impose certains airs aux musiciens qui, eux, sont surveillés aussi par la police française. A permis, dans les 6 premiers mois de cette année, l'arrestation de 1241 personnes. L'action préventive ne peut trouver son efficacité que dans la mesure où elle revêt une forme sociale et humaine. C'est dans ce sens que M. Pelletier, ministre de l'Intérieur, a chargé M. Maurice Papon, préfet de police, de lancer des opérations test dans le quartier de Paris où l'implantation nord-africaine est la plus forte. Le FLN de l'époque dirigée, il donnait des consignes à des gens de boire mieux, à des gens de chanter des chansons à thème, texte, d'éviter la débauche, c'est-à-dire demain autrement, et la musique continuait, les gens s'amusaient, les gens travaillaient. Dans un café, il y a des chants patriotiques qui chantaient, et ça ne dérangeait personne. Et est-ce que pendant cette guerre d'Algérie, pendant cette période-là, la police venait parfois arrêter ou contrôler les spectateurs ou les artistes? Alors maintenant, on parle plus politique, art, on parle politique. Mais la police, elle a arrêté tout le monde. Elle a arrêté beaucoup d'artistes. Dès qu'il a une tête qui ne lui plaît pas, il l'amène à Vincennes et reste là-bas 15-20 jours. La police de l'époque n'a pas fait que du bien. La police surveillait, ils ne voulaient pas des rassemblements. Quand il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire pas avoir des gens du FLN qui peuvent... Alors, dès qu'il y a beaucoup de monde comme ça, la police se mêle. Et puis, des chanteurs qui chantaient dans des cafés, ils chantaient des chansons révolutionnaires. Mais quand ils mettent toujours un guetteur, des fois on voit un facteur, on croit que c'est un policier, on change de chanson. Messieurs, qu'on homme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mes réformes. À l'heure actuelle, quel est le chiffre des Nord-Africains présents en France? C'est notre collègue Hesnet Ahmed, algérien lui-même, qui va nous les courir. En 1954, Mouloudji, dont le père est algérien, chante Le Déserteur de Boris Vian. Le Déserteur sera d'ailleurs censuré à la radio et à la vente pour antipatriotisme. Ce sera le cas aussi d'autres morceaux moins explicites enregistrés à Paris, comme le tube kabyle de Slimane Azem, au Sauterelle, quitte mon pays, qui assimile la colonisation à une invasion de sauterelles. كل شيء ذي سخلاق سلخو خرمي ذا الرمان خدمة عزدك زالي راق الزغاسي لاب الحجاق. Dans ce contexte tendu, les travailleurs qui n'ont pas les moyens d'aller dans les cabarets chics de Saint-Michel se retrouvent dans les cafés de quartier. Souvent des cafés tenus par des patrons kabyles, des débits de boissons où les immigrés vont venir briser leur solitude. Un peu partout dans Paris, on y échange des lettres et des nouvelles. Et de plus en plus, on commence à y écouter de la musique, en live ou sur des scopitones, ces jukebox de clips vidéo. Tu joues ma tête, ma parole. C'est toi qui me Ah voilà, Catherine donne raison. Vous êtes un habitué de la Goutte d'Or? J'habite le 13e. Enfin, je connais personne, à part mon compatriote Boucher. C'est pour ça que je ne viens que les samedis et les dimanches. Non, vous savez, la musique, surtout la musique qu'on fait nous, c'est un peu pour les émigrés. L'ouvrier, il est de l'usine à sa chambre, avec ça. Kamel Amadi. Certains ont commencé à s'amuser chez eux, comme Cyril Trondio. Ils faisaient des petites réceptions et les gens venaient. Et c'est de là que sont sortis tous les grands artistes. Slimane Azem, Cheikh Hasnaoui, Bahia Farah, Alaa Wazirouqi, Al-Hussein Sinaoui, Mohamed El-Jamoussi, et voilà. Dans le café, ils faisaient des petites réceptions et les gens venaient tout le samedi, dimanche, week-end, parce que ces gens-là travaillaient. Un il est chez Renault, l'autre il est à les gens, tout le monde travaillait. Alors la semaine ils travaillent, le soir pour se distraire, ah ben, il y avait de la musique, c'est dans les cafés, uniquement dans les cafés qu'on faisait de la musique. Ce n'est qu'après l'indépendance, après qu'on pouvait avoir l'Olympia, qu'on pouvait avoir toutes ces grandes... Le café, c'est modeste. Le type, il habite le quartier, c'est-à-dire il travaille toute la semaine. Et le week-end, il voudrait avoir les nouvelles du pays. Alors les nouvelles, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Ni télévision à l'époque, ni radio, ni rien. Alors ils vont dans des cafés qui sont tenus par des gens de chez eux. Alors là, ils ont des nouvelles du pays. En même temps, de temps en temps, ils ont découvert qu'il y a des artistes qui chantaient dans des cafés. Alors, de bouche à oreille, on sait que Slimane Azem va chanter dans tel endroit. D'abord, lui-même, il avait un café au 15e. Et Bahia Farah, la même chose. Fatma Zohra avec son mari, en 33, ils avaient déjà un café où ils faisaient de la musique. Ils vont au café, avoir des nouvelles du pays, et en même temps, écouter des musiques de chez nous et des chansons. Au fait, j'ai deux lettres à vous remettre, et je crois que ça vient de chez vous. آه ميرسي بوكو ما مدام بغيتك كذا ربي حميد اش تتصغر المقام حتى انا كنسينو على الضغط ازيد كان كدوري نستا دوري قلتي دفكه شرفيس تقيد باباك موقل هي ربي باش ودينا جالو نرد فير سافوار كو نو سوم اون بون سونتي سبيران ديك بو سوي دو ميم انسي كو توت لا فامي اه هو كيفاه ما ذكرت برتا هي تسر زعما زوار Premièrement, si je ne t'ai pas répondu d'urgence, ce n'est pas la négligence. En ce moment, nous avons beaucoup, beaucoup de travail. La moisson, le fourrage et le labour des figues. À part ça, tout va bien. Il nous manque le plaisir de te voir. Nous avons reçu le mandat. Si tu peux nous envoyer encore un peu, car les gens disent que tu n'envoies pas de grand monde. Je connaissais les cafés avant de venir... En France, 27 rue Pierre Brossolette, je crois que c'était une ville. En fait, c'est un bistrot et c'est là qu'ils reçoivent tous leurs courriers, quoi. Méziane Azaïch, patron du cabaret Sauvage. Et comme moi, j'écrivais des lettres au village pour des femmes et tout ça, je recevais leurs courriers à ce café-là. Et avant, le café, le bistrot, c'est pour les immigrés, c'est leur salon, c'est leur cinéma, c'est leur théâtre, c'est tout, quoi. Et c'est là qu'ils se retrouvent et qu'ils racontent leur misère, qu'ils écrivent leurs lettres. C'est là qu'ils ont les nouvelles du bled parce que l'autre, il est revenu et il avait sa femme, il avait ses enfants qu'ils ont grandi, etc. Le café, il jouait un rôle social énorme, énorme. C'est des cafés branchés, quoi. C'est plus la même chose, quoi. C'est là où on écoutait de la musique, surtout. Oui, la musique. 80% des chanteurs algériens, ils avaient leur propre bistrot. Ils travaillent à l'usine, et le soir, ils viennent dans son bistrot, et il va animer son truc, il va partager avec ses cousins, ses frères, et tout ça, les gens y vont, il y avait un au Père Lachaise, il y avait un autre bistrot, il y avait plein de bistrots comme ça, et c'était des artistes, des grands artistes algériens qui ont acheté ces bistrots et qui se produisaient dedans, juste avec sa guitare, quelqu'un à la dérouka, des fois il n'y a même pas, des fois il est tout seul, mais c'est juste merveilleux, hein. C'est, ils sont tous... Créé dans les bistrots, Slimane Azem, c'est pareil. Tous ces gens-là, c'est magnifique. C'est magnifique. Madame, encore un rouge. Voyons, monsieur, c'est la première fois que je vous vois dans cet état. Vous avez trop bu et je ne vous sers plus. Tu ne sais pas pourquoi je cherche à boire. S'il reçoit de ma refuseur, C'est vrai, t'as pas compris, hein, madame. Je ne comprends pas ce que vous dites. En tout cas, vous chantez bien, mais quand même. Ah, madame, où laisse quand même. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. L'expérience de l'exil transpire dans les chansons et dans les paroles qui racontent la boisson, le tiercé, le loto ou le chômage et surtout la patrie perdue. Une des stars de ces chants d'immigration s'appelle Slimane Azem. Le succès de ce morceau, la carte de résidence, va lui ouvrir les grandes portes du petit écran sur France 3 et plus tard de l'Olympia. Conversation, le chômage, l'immigration. Après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce. Chaque fois, ça recommence. Quand il écrit cette chanson, à la fin des années 70, 78, 79, il travaille avec son producteur Mohand Animich et le comique troupier Cheikh Nordin. Ils écrivent cette chanson en kabyle et en français pour être compris, y compris des enfants de l'immigration, dans un contexte où les accords de main-d'œuvre franco-algériens sont à nouveau renégociés à la baisse, puisque le président Boumediene, président algérien, a fermé les frontières en 1974 à cause des attentats racistes, et que la France en a fait de même en 1975 du fait de la pénurie d'emplois, puisque la France est en pleine crise post-choc pétrolier. Naïma, Yaï. Les frontières se ferment. Et partant de ce principe-là, il n'y a plus de travail, vous n'êtes plus les bienvenus. Slimane Azem chante et revendique le droit de vivre ici, en France, métropolitaine, en évoquant la mémoire des soldats coloniaux. Il dit dans la chanson « Sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France bien avant la résidence ». Donc il explique qu'un bout de papier ne pourra pas effacer l'impôt du sang qui a été versé par les soldats coloniaux à l'époque. Dans une époque où le racisme anti-arabe bat son plein. Donc on est comme ça dans un contexte défavorable où le paradigme de l'immigré, c'est l'immigré algérien. C'est le travailleur avec son casque de chantier, sa moustache, et encore plus invisible que lui, c'est sa femme. Et on est dans un contexte où on leur dit « rentrez dans votre pays », on met en place ces fameux 10 000 francs, la politique du retour. On en est à dire « les Algériens ne sont plus les bienvenus ». Et ceux qui sont ici, veuillez rentrer chez vous. Et lui, il répond par cette chanson. Le travail quand il est dur, c'est pour l'immigré bien sûr, avec la conscience pure, dévouement et les souffrances. Le dévouement et les souffrances, ça mérite la récompense. Bon, et ça partit de là. Et ça fait un succès extraordinaire. Vous, quand vous écoutez la chanson, Mohand Animich, vous qui êtes le producteur de la chanson, vous vous dites, ça va être un succès? Oui, j'étais sûr. J'étais sûr parce que j'ai compris le sujet. 99,99% des immigrés, ils vont l'aimer cette chanson. C'est sûr, parce que ça traite le problème majeur de tous les immigrés. Vous savez, avant, quand vous y allez à la préfecture, vous arrivez à 2h du matin, vous passez des fois à 14h de l'après-midi. C'est un drame. C'est quelque chose qui a frappé tout le monde, même les Français, parce que c'est une histoire vraie. Après, il y a beaucoup de chanteurs qui ont repris, permis, verbe, enfin, plein de trucs, à partir de là. Non, Racheta, il a chanté là. Après, parce qu'il a entendu cette histoire, il a chanté pas la carte de résidence, il a chanté la carte séjour. Vous vous souvenez combien vous en avez vendu des exemplaires de la carte de résidence? J'ai aucune idée, mais il y a plus de 100 000. C'est sûrement plus de 100 000. Ouais. C'est vraiment bien dommage, le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. Mais malgré le dur labeur, les heures à l'usine et les disques d'or chez Pathé Marconi, cette production culturelle immigrée reste invisible. Les cassettes s'échangent à Barbès, où se croisent toutes les Afriques, les souvenirs, les gros sacs tati rouge et blanc, la nostalgie en version sépia et les meilleures cassettes colorées du bled. On vient de tout le Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest à Barbès, entre le pont de la Chapelle et le boulevard, où se concentrent plusieurs dizaines de producteurs qui ont chacun leur boutique. Aujourd'hui, des petites boutiques de téléphones mobiles, le Bluetooth, les formats compressés en version MP3 et YouTube ont chassé les disquaires, mais pas tous les artistes. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Bien avant la résidence. Tu fais de la musique aussi? Pas la musique rap. Qu'est-ce que vous avez comme cool, musique? Ouais, la musique arabe. Moi, je fais pas de la musique. Moi, je produis de la musique. Ah oui. Ouais. Pour produire, pour sortir un CD, il faut quelqu'un qui finance. Ah oui, oui. C'est toi qui fais la publication. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et moi aussi, j'ai fait de la musique. À l'époque, quand j'étais au Maroc, j'ai parti à Taïwan. À sur Taïwan. On était groupe. On fait de musique. Aïsawa, c'est un... Aïsawa, je connais les Aïsawa. Je connais Aïsawa. Voilà, on fait des connaissances. Bah oui. Dans le temps, ils viennent tous à Barbès. Tous les musiciens, sans exception, ils doivent passer à Barbès. Aujourd'hui, non. Moi, j'ai reçu ici à Barbès Bob Marley. Oui, madame. Dans votre boutique? Oui, dans ma boutique. Oui, Bob Marley. Oui, parce que c'est le lieu de rencontre. Tout le monde se rencontre. Et puis, en même temps, ils achètent de la musique, ils changent des paroles, ils cherchent du travail, parce qu'il y a beaucoup d'enregistrements dans les studios. Et c'est là qu'ils se rendent compte, bon, est-ce que tu peux travailler avec moi, entre eux déjà, et puis après les producteurs en même temps. Est-ce qu'on peut dire, Mourin Danemich, que vous aviez le plus grand magasin de musique orientale oui, de Paris, de Barbès de France. De France. Je ne parle pas des maisons de disques européens. Je parle des musiques maghrébines. J'ai le magasin le plus grand de France. J'ai 7 vendeurs et 2 secrétaires. Il y a une secrétaire qui s'occupe des secrétariats, de la comptabilité, des paperasses, des factures. Il y a une secrétaire qui s'occupe uniquement des envois par correspondance dans le monde. Surtout la Nouvelle-Calédonie. C'est inimaginable ce que j'ai vendu à la Nouvelle-Calédonie, oui. Ouais. Quand une personne il envoie une lettre, je voudrais avoir tant, il joigne un chèque. Riyad. C'est le monsieur, c'est mon voisin des années 80. C'est tout. Est-ce que c'était la plus belle boutique de musique de Barbès? C'est la plus boutique de la Barbès. Elle était belle, oui. Ah, tu passes me voir un jour? Absolument. Ça va, la santé, surtout. Impeccable. C'est l'essentiel. Voilà. Pourquoi je suis devenu puissant à Barbès? Parce que j'ai un très beau magasin, très grand, des vendeurs compétents. J'ai pas besoin de publicité. Tout le monde arrive chez moi. Les grossistes, les détaillants, tout le monde. J'ai besoin de personne. On vend de la musique, mais juste entre nous. C'est pas la FNAC. C'est pas la FNAC parce qu'ils veulent pas, ils référencent pas. À l'époque, on était invisibles. Donc la communication, ça se passe entre nous. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Avec leurs pignons sur rue, ces boutiques vont devenir les vitrines d'un soleil musical maghrébin qui va peu à peu éclairer les radios libres qui se créent dans les années 80. Radio Soleil Goutte d'Or ou Radio Beurre vont faire découvrir ces musiques d'ailleurs ici. Entre-temps, les enfants d'exil s'emparent du terroir, du rock et des ritournelles qu'écoutent leurs parents. Ils vont s'appeler ONB, Zebda, carte de séjour et dessinent un nouveau territoire d'origine non contrôlée qui n'est plus nord-africain ou maghrébin, mais pur beurre. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Douce France, cher pays de mon enfance. Douce France, cher pays de mon enfance. Vous connaissez la fameuse chanson de Traînée remise au goût du jour par les beurs pour protester contre le code de la nationalité. Les immigrés de la deuxième génération qui, sous la houlette de l'ancien ministre de la Culture, Jacques Lang, et de Charles Traînée, ont décidé de reprendre à leur compte ce succès des années 50. C'est une initiative du groupe de chanteurs beurre lyonnais Quart de Séjour, qui est un des plus fameux groupes de jeunes d'origine beurre en France, qui s'est proposé à l'occasion de la discussion du code nationalité d'éditer un disque s'inspirant de la chanson de notre ami Charles Traînée, Douce France, Et Charles Trenet, aujourd'hui, avec moi et à la demande de ce groupe, est venu distribuer ce disque aux députés pour leur dire, messieurs les députés, au moment où vous examinez ce texte, pensez à ce qu'a toujours été la France, c'est-à-dire un pays généreux, ouvert et accueillant. Ce n'est pas une nouvelle version, c'est ma chanson. Ils ont un peu changé la musique du couplet, voilà, c'est tout. Oui, pas les paroles, sont intégrales. Et vous êtes sensible à ce problème de l'immigration, c'est pour ça que vous êtes associé à cette initiative ? Tout le monde est sensible d'une façon ou d'une autre. Et 300 000 personnes qui viennent incarner pour la première fois une identité beurre, immigrée et républicaine. Et avec cette marche, les radios et les airs berbères et beurre vont se faire entendre. Une marche pour l'égalité après une série de crimes racistes. Carte de séjour, c'est la marche pour l'égalité contre le racisme, c'est 1983. Ils chantaient déjà avant. Rachid monte sur scène pour, à l'occasion malheureusement d'assassinats. Mohamed Diab en 1972. C'est en 72 qu'il monte sur scène pour la première fois. Il était ouvrier, lui, hein, à la chaîne. Ah oui, il fait ses premières scènes à l'occasion de mobilisation lors de crimes racistes dans la région de Lyon. Et ensuite à Paris. Et c'est par le succès de la marche pour l'égalité qu'on s'intéresse à ceux qu'on appelait les beurs et qu'on découvre ce rocker extraordinaire qu'est Rachida et son groupe Carte de Séjour. Il est contemporain, par exemple, d'un Smaïn dans le stand-up, d'un Rachid Bouchareb ou Mehdi Sharef au cinéma, de la mannequin Farida Khelfa. On a comme ça une espèce d'engouement pour les enfants d'immigration qui permet aux artistes maghrébins de sortir de l'underground pour rencontrer grand public, ce qui n'était pas le cas des chanteurs de l'immigration. C'était un moment où chanter pour vous, c'était un acte politique ou pas ? Ah, complètement, oui, oui, ça c'est sûr. Bah oui, c'était que ça, de toute manière. C'était, de toute façon, je chantais pas au début, je criais, donc je criais, puis petit à petit, c'est venu, mais c'est toujours, hein, quand t'as un micro, même toi, tu fais un acte politique. C'est grâce, et c'est surtout ça, c'est grâce aux radios communautaires comme Radio Soleil, Goutte d'Or, ou Radio Beurre qui deviendra Beurre FM, avec la libéralisation des ondes et le droit d'association pour les immigrés en 81, que ces artistes, par la suite, ont trouvé à être diffusés et à être entendus. C'est vrai d'abord par la communauté, mais ensuite par le grand public. C'est une victoire, surtout qu'on sait que 30 ans, 40 ans avant, d'autres avant eux, avec beaucoup de talent, n'avaient pas les mêmes chances et n'avaient pas les mêmes circuits du marché des biens culturels pour être promus et mis en avant. Les imaginaires, surtout après la guerre d'Algérie, n'étaient pas prêts à leur faire cette place légitime d'artiste simplement. Donc tout ce qui était maghrébin était temporaire. On n'imaginait pas une sédentarisation, y compris les immigrés eux-mêmes qui pensaient rentrer dans leur pays d'origine. Ce mythe du retour a perduré jusqu'à la fin des années 70, et c'est par leurs enfants qu'ils se sont inscrits définitivement dans le paysage français. Mesdames et messieurs, on va essayer de mettre un nouveau mot dans le dictionnaire en français. Ça veut dire « je te le jure, je te le promets ». Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, et voilà, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Merci. Franchement, bravo. Franchement, c'est joli. Barbès sera la capitale du rail. Quand on veut être un grand chanteur de rail et connaître le succès, il faut que ces cassettes se vendent à Barbès. Paris devient une plateforme, une place forte pour les chansons de musique du monde, on peut dire pour la musique africaine et autres, mais surtout pour, à l'époque, ce sont les vendeurs de cassettes du boulevard de la Chapelle à Barbès qui font et défont les chanteurs de rail. Et où est-ce qu'ils vont chanter ces chanteurs de rail à Paris? Festival de Bobigny en 86, mais ils vont surtout chanter dans les mariages pour la diaspora algérienne. Et ensuite, avec le succès de Khaled dans les années 90, 92, 93, ils vont commencer à faire leur premier plateau de chez Michel Drucker et être comme tous les autres, des artistes avant tout. En fait, moi j'avais entendu une cassette de Khaled et je suis allé chercher Khaled en Algérie. sorti en 86. Martin Messonnier. Il faut se rendre compte qu'il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas les moyens de communication, c'était le Telex quand même entre pays. Quoi. Donc c'est-à-dire que si on voulait chercher un artiste, il fallait prendre l'avion et y aller. Et en fait, comme il n'avait pas fait son service militaire, il n'avait pas de passeport. Et donc tout le truc, ça a été de lui obtenir un passeport. Et on a monté ce festival à Bobigny, là, qui a eu un gros impact. On s'attendait à avoir du monde, mais on s'attendait pas à avoir 2000 personnes dedans et 2000 dehors, quoi. Et ça, plusieurs jours de suite, le public maghrébin attendait Khaled comme le Messie, quoi. C'était une espèce de légende, parce que les gens l'avaient jamais vu en live. Et il y avait qu'à Oran, où il chantait dans les mariages. Khaled, il avait deux contrats d'exclusivité à l'époque. Il avait un contrat signé en Algérie et un contrat à Barbès. Et donc, on ne pouvait pas enregistrer d'album. Et moi, j'étais triste parce que je voulais vraiment produire un album de Khaled. C'était vraiment mon rêve, quoi. Et puis, un jour, je reçois un appel. C'était d'un musicien de jazz algérien qui s'appelait Safi Boutella. Et c'était un colonel qui s'appelle Colonel Snoussi qui lui avait commandé de faire un disque de Khaled. Et donc, il me dit, voilà, je cherche un producteur pour faire le disque. Alors, puisque le gouvernement algérien laissait entendre aux producteurs qu'il fallait pas les embêter, donc il n'y avait pas besoin de contrat d'exclusivité et tout ça. c'était Charles Tallard qui produisait « Boire un petit coup à la maison » et Didier Barbelivien, parce que ils étaient associés dans le truc. Et donc on s'est retrouvé en studio pour faire Kouché, qui a été un album qui a été un peu un départ de sa carrière internationale, quoi. Enfin, c'était assez drôle d'avoir un colonel comme client, quoi. C'était voilà. On s'appelle 8h. Le journal Alain Passerelle. Le Rail, une musique qui a quitté Oran puis Barbès pour devenir mondiale. Trois hommes en concert samedi à Bercy. Un concert qui s'intitule 1, 2, 3, Soleil. Une référence au film de Bertrand Blier pour lequel le chanteur Khaled a obtenu une victoire de la musique en 1994. Le soleil, ça leur va bien aux trois vedettes de la musique Rail. Khaled donc, Rachid Taha et Fodel. Rail, ça veut dire opinion. C'est une musique qui connaît désormais un succès mondial, Isabelle Pasquier. Quand Khaled chante Didi en 92, c'est le coup de foudre, 300 000 albums vendus. Le Rail venu d'Oran quitte les boutiques de Barbès pour trouver une place entre Elton John et Michael Jackson. Le Rail séduit la France, mais aussi l'Amérique, et ça c'est une performance. Pour les intégristes bien sûr, c'est une musique de décadence. Victime symbolique, Cheb Hasni, le plus populaire des chanteurs Rail, est assassiné en 94. Aujourd'hui, le Rail est devenu aussi une musique de l'exil. Et son avenir passe par Paris et Marseille notamment. Il passe aussi par une fusion avec le rock, le hip-hop et la techno. Les cafés migrent avec les ouvriers de Saint-Michel vers les banlieues, Montreuil, Ivry, Daubigny. Et pendant ce temps-là, l'Algérie s'enfonce dans la violence des décennies noires. Quand on assassine des chanteurs et que les radicaux s'attaquent aux artistes parce que leurs paroles taquinent des tabous comme le sexe et l'alcool, Sofiane Saïdi et d'autres musiciens algériens arrivent à Paris. À partir de 92, les gens ils ont commencé à s'exiler, à s'échapper d'Algérie parce qu'on a commencé à assassiner les artistes. Et du coup, moi à cette époque-là, j'ai retrouvé plein de copains musiciens qui m'ont branché sur des cabarets où ils travaillaient. Et souvent, c'était un synthé, une boîte à rythme, une percussion et la voix. Et il y avait plein de chanteurs qui avaient un tour. J'ai jamais réussi à aller jusqu'à la tête d'affiche parce que souvent c'était des mamies ou des Khaled qui arrivaient, qui faisaient des têtes d'affiche et tout, mais je me sentais riche à ce moment-là. Chaque soir j'avais un Pascal, j'avais un quart de bouteille de whisky, j'étais très très content avec ça. Maintenant ça n'existe plus vraiment des cabarets rail ou alors c'est vraiment des trucs vulgaires, immenses et tout. À l'époque c'était plutôt des vrais clubs rail, en sous-sol, mais qui étaient assez dangereux. Avec un espèce de mélange de proxénètes et de prostituées. Aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer Paris comme ça. Je pense que Paris, dans les années 40, la variété française et tout, je pense que c'était pareil. Ça devait être aussi un milieu très mafieux, très... Moi, j'ai vécu ça un petit peu dans les années 90, dans les cabarets ici. Thank you. octobre 1994. Vieux frère. Alger se vide. Alger est vide. J'ai peur. Peur de mourir égorgé. Peur de mourir la tête éclatée. J'ai peur pour mes fils, pour ma fille, pour ma femme, pour moi, pour mes frères et leurs enfants. J'ai peur de mon ombre, d'un regard inconnu, d'une présence étrangère, de la sonnerie du téléphone, des coups à la porte de la maison, des barrages, des voitures qui suivent derrière moi ou qui me croisent, au marché, chez le marchand de tabac, dans la rue. Et la nuit, c'est le cirque, insomnie, au moindre bruit debout. Avec le couvre-feu, le silence total, l'horreur. J'ai longtemps hésité pour t'écrire. Te raconter notre merde, c'est tout ce que je sais. Toute mon affection à Nathalie et à Christine. Au revoir. الجزائر عدريني ودار قتالي. Quand on me demande est-ce que tu es français ou tu es algérien, souvent c'est une question qui m'agresse en général parce que je n'ai pas envie de décider. Et souvent je réponds je suis parisien. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est sortir à 2h du matin, manger un sandwich, chez un kebab, acheter un flash de whisky chez le robot du coin, aller dans un club à 3h du matin, même s'il fait peur ce club. On peut écouter du jazz, aller manger des huîtres à Gare du Nord. Voilà, pour moi, Paris, c'est l'état d'esprit parisien, c'est ça. Quand on arrive à Paris ou en France, on arrive avec un bagage, mais ce bagage-là, il se fusionne à un moment avec d'autres personnes, d'autres cultures et tout. Et ça devient plus un bagage parisien, enfin ça devient une culture très parisienne. Et le groupe avec lequel j'enregistre en ce moment Mazalda, eux, c'est des fans de cassettes, de raï, de cassettes africaines et tout. Et je pense qu'ils ont vraiment intégré la musique raï, la musique africaine et tout, faisant partie de leur culture française. Alors qu'ils sont peut-être de Lyon, Auvergnat ou des Vosges. Pour eux, c'est leur propre culture, quoi. Ils ne vont pas aller chercher des choses très très loin dans le monde. Pour eux, l'Algérie est juste à côté. Et pourtant, des fois, ils ont ce sentiment d'être exilés, quoi. Je pense qu'ils le ressentent. Pour eux, c'est leur culture, tout simplement. Ils sont forcément sensibles quand ils entendent des quarts de temps. Les quarts de temps dans la musique, c'est des quarts de notes qui, en général, dans la musique classique ou blues ou quoi, ça peut être une fausse note, c'est des fausses notes. Dans la musique arabe, il y a plein de quarts de temps. Ça ne les choque pas. Alors qu'avant, moi, je n'osais même pas faire des quarts de temps quand je jouais dans des concerts et tout, parce que je savais que les mecs se disaient « Mais c'est quoi ces notes fausses ?» Alors que cette nouvelle génération, ça les dérange pas, ça ne leur fait pas peur. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils jouent vraiment du raï comme les Maghrébins, vraiment. Même mieux parfois, parce qu'ils apportent leur propre culture et c'est super intéressant de faire ça avec eux. Je comprenais pas trop la musique du monde, en fait, ce que ça voulait dire. Je comprends toujours pas, en fait. Hein. C'était Barbès Café, Prince du Rail et autres sons du bled, avec Mohanda Nemish, Kamel Hamadi, Naïma Yahi, Méziane Azaïch, Martin Messonnier et Sofiane Saïdi, Archives et Recherche INA, Marie Chevaux et Christelle Rousseau, Recherche bibliographique, Anise Signoret, Recherche discographique, Antoine Villose, Mixage, Manuel Couturier. Une émission d'Élodie Maillot, réalisée par Manouchak Fachey. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien pour nous écouter à Barbès, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Mais en attendant, restez à l'écoute.